Moi, je ne travaille pas sur la souffrance au travail. C'est quelque chose qui est apparu dans mes entretiens. Donc, ça donne un petit peu une perspective particulière, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été discuté ce matin, je n'utilise aucune grille pour catégoriser la souffrance. Ma démarche, c'est plutôt l'interactionnisme. Et donc, je pars de la définition que les personnes elles-mêmes donnent à leur souffrance. Alors, je ne vais pas avoir que des souffrances physiques, je vais avoir pas mal de souffrances psychologiques, mais un petit peu de souffrances physiques, évidemment. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans la souffrance au travail, c'est quel type de dysfonctionnement ça signale, ou quel changement de nature dans les rapports au travail, le rapport à l'emploi, ça signale. Alors, donc, un point de contexte, hein. La librairie. C'est très majoritairement des TPE, mais même des toutes petites TPE, puisque 37% des points de vente en 2008 ne comptaient qu'un seul salarié en équivalent temps plein. 18% en comptent 2, 18% en comptent 3 ou 4. Et donc, c'est très. Je pense que là, c'est un des intérêts du terrain de cette recherche, c'est de mettre en lumière des conditions de travail de gens qu'on a peu l'habitude d'avoir, puisqu'ils sont en tellement petite entreprise que voilà, on oublie souvent ce type de professionnel. Alors, moi, mes recherches portent sur l'articulation entre emploi, travail et métier, et bien évidemment que ça intervient dans ce que j'ai pu relever. Alors, j'ai séparé deux types d'attitude, on peut dire. Une première qui est celle de l'endurance. Hein, comment on va faire avec des situations qui sont potentiellement source de souffrance, dont certains parlent très très clairement de souffrance. D'autres en parlent moins, d'autres n'en parlent pas. Mais comme je pars de la définition des salariés eux-mêmes, à partir du moment où une personne m'a signalé quelque chose comme une souffrance possible, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi celle-là en parle de cette manière-là et telle autre n'en parle pas de cette manière-là. Hein. Puis je viendrai après sur les réactions. Hein. Alors, endurer ou faire avec, ça, c'est presque ce qui a besoin d'être lu le plus entre les lignes hein, du discours produit en entretien, parce que je travaille sur entretien. Alors, première chose, c'est plutôt qu'être précaire, hein, endurer éventuellement un travail qui ne nous satisfait pas, surtout qui peut même être difficile, parce que, alors, soit la librairie peut être elle-même un moyen de fuir des conditions de travail précaires, et il y a en particulier plusieurs personnes qui viennent d'autres métiers des secteurs artistiques et culturels dans lesquels ils n'ont jamais réussi à se stabiliser dans l'emploi. Hein, et la librairie étant un des métiers culturels, ils vont venir là où il y a un nombre important de CDI. J'y reviendrai. Mais les situations précaires, évidemment, il y en a aussi en librairie avec des entreprises plus importantes. Il y a quelques très très grosses librairies. Pour ceux qui connaissent des métropoles régionales, il y a des librairies qui comptent plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de salariés. Je parle là des librairies indépendantes. Hein. Et donc, dans ces moyennes ou grosses entreprises pour des librairies, il y a de temps en temps des CDD qui sont institutionnalisés comme parmi le mode de management. On renouvelle, on renouvelle. Et là, à ce moment-là, un certain nombre de salariés vont fuir ces entreprises, vont essayer d'aller trouver du travail ailleurs parce que ça ne correspond pas à l'ensemble des représentations qu'ils ont sur le métier. Alors, endurer, c'est aussi parce qu'on subit trop longtemps un mode de management qui est désormais inadapté. La librairie fait partie de ces secteurs d'activité qui ont longtemps été dominés par des entreprises tenues par des notables, notamment en province, avec un paternalisme extrêmement fort, un paternalisme à l'ancienne, que j'ai encore trouvé avec des patrons qui sont proches de la retraite en Belgique. Hein. Et là, alors, il y a typiquement d'anciens, des salariés qui sont rentrés, j'en ai rencontré une qui rentre en 76 à l'âge de 16 ans, non diplômée, hein, et qui a fait toute sa carrière dans cette même librairie. Et si elle change d'employeur, c'est simplement parce que la librairie est rachetée. Et de fait, la manière dont elle a été amenée à travailler, très en soumission par rapport à une hiérarchie toute puissante, la prépare assez mal finalement à travailler dans la librairie telle comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire assez dans l'autonomie. Ce sont des choses où, au moment où l'employeur reprend pendant ses vacances, elle arrive, elle fait trois pas et en fait elle s'effondre. Elle ne peut plus rentrer. Elle a vu son rayon qui a été déménagé et elle s'effondre complètement. Et l'autre personne que j'ai rencontrée est là, elle, depuis 8 ans et demi dans la même entreprise. Et depuis, il y a des salariés qui sont arrivés avant elle, mais depuis, tous ceux qui sont arrivés sont repartis. Donc là, on a bien un clivage générationnel avec des gens qui ont été habitués très jeunes et surtout non diplômés à ce mode de management qui n'est évidemment pas quelque chose qui existe chez les plus jeunes. C'est aussi en durée des évolutions du métier qui vont invalider des compétences antérieurement acquises. Le métier a beaucoup, beaucoup changé. Il y a notamment, bien évidemment, le management, je viens d'en parler. Il y a aussi l'arrivée à partir des années 80, au moment où la librairie passe sous le ministère de la Culture plutôt que le ministère du Commerce. Ça fait rentrer un certain nombre de jeunes diplômés et de plus en plus diplômés. Et il y a évidemment un hiatus avec les plus anciens. Et puis, ce sont aussi des outils techniques qui changent, et notamment l'informatique, qui va invalider toute la compétence professionnelle qu'avaient les anciens, forcément, quel que soit leur niveau de diplôme, qui était la mémoire bibliographique. On n'en a plus besoin, le disque dur fait ça très bien. Donc voilà, alors, ça c'est quelque chose qu'il a fallu endurer au fil de la carrière. C'est endurer aussi ou faire avec une situation professionnelle qu'on n'a pas tellement choisie parce qu'on a un ancrage local qui est très fort. Et à partir du moment où on ne souhaite pas, où on refuse de changer de lieu d'habitation, quitter la socialisation familiale ou amicale, quand on est dans un bassin d'emploi qui est finalement très petit, ben on reste là où on est, de toute façon on ne bouge pas. C'est vrai aussi dans un autre type de situation un petit peu différent, c'est celui qui enferme dans des choix professionnels où lorsque vous avez une ville même importante, il y a de moins en moins de librairies indépendantes, de plus en plus de librairies de chaîne. Et là encore, on est enfermé dans dans quelques lieux de travail. Et du coup, on ne bouge pas et on accepte plutôt sa situation. Et puis, il y a évidemment tout ce qui fait le prix d'un changement de lieu de travail, même quand c'est quelque chose qu'on a souhaité, de se réhabituer aux collègues, de se réhabituer aux façons de faire, qui fait que c'est toujours un coût de toute façon. Alors, ensuite, c'est endurer des conditions de travail caractérisées par une pénibilité structurelle. Donc, c'est la station debout et le piétinement dont finalement assez peu de libraires parlent. C'est surtout la manutention. Donc, dans l'enquête Summer, on dit bien que 52,5% des vendeurs, tout secteur confondu, contre 42,8% des actifs manient des charges lourdes. Et le livre est évidemment une charge lourde. Je pense à la librairie du Louvre, par exemple, où ce sont des livres d'art. Les livres d'art, c'est extrêmement lourd. Il suffit d'une dizaine de livres et c'est plusieurs dizaines de kilos parfois. Alors, ils ont mis un seul chariot qui s'élève à mesure que les livres qu'on prend. Sauf que ce chariot roule mal, donc finalement, on préfère encore se baisser jusqu'en bas pour prendre les 4 livres qui pèsent plus d'un kilo chacun, plutôt que d'utiliser ce chariot qui marche mal. Donc, ça veut dire que les maladies, ce sont des maladies du dos essentiellement. Et quand on regarde les données des ADS, on s'aperçoit qu'en 2008, 75,5% des libraires ont moins de 40 ans. Donc ça, c'est très net. Alors, pour vous donner un petit exemple, je vous lirai peut-être tout à l'heure. Je vais vous lire maintenant. Donc voilà le témoignage d'une personne qui travaille dans une grande, très grande librairie indépendante. C'est 3,5 tonnes de livres qui arrivent chaque jour, qui sont réceptionnés chaque jour. Et puis, il y en a un certain nombre qui peuvent repartir aussi comme invendus ou comme livraison. Mais voilà son travail. Ce qu'elle dit, ça a été dur pour moi, oui, même physiquement. Alors, je lui demande s'il y avait des transpalettes. Elle dit non, c'est pas possible parce que c'est plein d'escaliers. Ça monte, ça descend. Il n'y avait pas de transpalettes. Alors, il y a des monts de charge. Il y a des monts de charge, mais disons que la réception est à un endroit, donc il fallait monter, prendre les bacs. J'arrivais à la réception, j'empilais mes bacs, et ensuite, il fallait que je redescende et que je traverse la librairie. Et la réserve était dans une autre partie, donc il fallait que je prenne mes livres et que je les mette dans le mont de charge. Le mont de charge à hauteur de poitrine, donc il fallait que je prenne mes bacs et je les mette dans le mont de charge. et je ne pouvais pas en mettre plus de deux bacs. Donc, je les mettais, moi, je montais l'escalier, et ensuite, je redescendais mes deux bacs vides. Ensuite, alors voilà, je passe un peu dans la journée. Alors, il y avait combien de bacs, je lui demande. Elle dit, dans la journée, au moins 30 ou 40, surtout en période scolaire. C'était très physique, très dur. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même j'avais des collègues solidaires. Quand il y avait quelqu'un qui passait dans le couloir, qui me voyait ou il le faisait à ma place, il y avait toujours quelqu'un pour m'aider. Voilà, donc c'est ce que j'appelle endurer. C'est que ça fait partie du travail, on ne se plaint pas, on essaye de voir le côté positif. Alors, autre source de souffrance, là, cette fois pas physique, c'est le déficit de reconnaissance. Alors, si on voit le jugement d'utilité du travail, le jugement de beauté, alors le jugement d'utilité d'abord par l'employeur, les salaires sont tous extrêmement bas. Ce sont des gens qui ont, pour une grande part, minimum bac plus 2, hein, et 79% d'entre eux ont un salaire horaire net inférieur ou égal à 10 euros. Donc, ça veut dire que pas de salaire haut, pas de possibilité de reconnaissance en termes de salaire, et évidemment très peu aussi au niveau de la carrière, puisqu'il y a très peu de postes de cadre. Quand vous êtes 5 salariés, évidemment, même 5 c'est déjà pas mal, il n'y a pas de possibilité d'augmentation. Alors, il y a évidemment dans les entreprises un peu plus grosses, il peut y avoir la mutuelle, il peut y avoir des tickets restaurants. Il peut y avoir aussi de l'intéressement, mais ça, c'est dans un nombre réduit d'entreprises, hein. Alors, le jugement d'utilité, cette fois par la reconnaissance du client. Alors, celui-là, il est tellement important que la plupart des libraires parlent de cette partie de leur métier qui, finalement, est celle en temps de travail dans la journée et la moins importante, hein. Ça va être justement la manutention qui va être la plus importante. Et le problème, c'est que dans un certain nombre d'entreprises, alors ça, c'est plutôt les entreprises, les chaînes, cette durée du contact avec le client est limitée dans le temps. On n'a pas le droit de consacrer plus de X minutes avec un client. Enfin, le jugement de beauté, donc, qui est donné là par les pairs, je rappelle que 37% des salariés travaillent dans des entreprises où ils sont seuls. Alors, seul équivalent temps plein, ça peut être demi-temps, mais ça veut dire que ce sont des personnes qu'on va éventuellement croiser une demi-journée, une journée par semaine, et qui travaillent ou à une période de l'année, au moment de Noël, au moment de la rentrée. Et donc, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être au même niveau dans le temps de travail, dans ce qui est consacré à la librairie. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui sont capables de juger vraiment, d'évaluer votre participation à votre travail. Enfin, un management défaillant. Alors, ça, c'est le problème des règles. C'est le règne des relations interpersonnelles, hein, dans les toutes petites entreprises qu'un certain nombre de salariés cherchent au départ, en particulier quand ils sont jeunes. Ils veulent quelque chose d'un peu familial, ils ne veulent surtout pas travailler dans quelque chose de trop gros. Et à mesure qu'ils vont s'autonomiser dans le travail, ils vont se retrouver enfermés finalement dans ce système qu'ils ont recherché au départ. Et très souvent, ça va au clash. Alors, ça va au clash parce que justement, cette recherche d'autonomie n'arrive pas à la faire valoir. Et puis aussi parce qu'ils ont l'impression que l'employeur se décharge sur eux. Hein, ce qui est dit, c'est bon, elle va promener son chien, il va faire ses courses pendant mon temps de travail. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément arriver au fur et à mesure. C'était peut-être là dès le départ, mais ça n'est pas vu. C'est tout d'un coup, il y a une montée en conscience. Voilà. Alors, il y a quand même des situations qui sont telles qu'à un moment, on arrive à réagir, passer un point de rupture. Alors, petit point sur la défense en interne. La défense en interne, il faut voir que seulement 12% des entreprises comptent au moins 10 salariés, c'est-à-dire dans 12% des entreprises seulement, il y a une situation où il doit y avoir une délégation du personnel. Donc évidemment, c'est très faible, sans parler même d'une représentation syndicale. J'ai rencontré des personnes qui avaient eu des responsabilités syndicales et même elles n'ont pas un très très bon souvenir de ce travail-là, y compris parce que les collègues ne reconnaissent pas leur travail, soit parce qu'ils sont accusés de ne pas en faire assez, de manière très classique, soit ils sont évidemment accusés de collusion avec l'employeur. Hein. Et dernière chose, oui, je pense que je vais y arriver. Ça, il y a quelque chose qui est brisé dans la représentation du lieu de travail, qui est comme c'est un lieu culturel, il est a priori pensé par plusieurs interviewés comme un lieu plutôt enfin, où les patrons sont de gauche et donc où ils vont appliquer un certain nombre des discours qu'ils tiennent, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas, bien sûr. Alors, au niveau de la méconnaissance quand même du syndicat, on peut préciser qu'un interviewé me confond le syndicat de la librairie, c'est-à-dire des employeurs, parce qu'il défend le métier, avec quelque chose qui est susceptible de les représenter. Et le problème aussi, c'est que dans les négociations, par exemple, là sur la grille des métiers, ils ont été représentés de fait par un salarié d'une chaîne culturelle. Et les employés des chaînes culturelles ont des intérêts totalement divergents, voire même parfois opposés, avec les salariés des TPE. Donc finalement, ce qui a été négocié dans la grille des métiers ne leur va pas du tout. Moi, je fais l'enquête au moment où ce n'est pas encore décidé. Et quand on voit les espoirs de certains, on sait très bien que c'est assez catastrophique. Alors, la possibilité aussi de se défendre grâce à un syndicat, il faut être dans une grande entreprise et se postuler à une grande entreprise et être pris dans une grande entreprise, c'est évidemment pas donné à tout un chacun. Il doit me rester 3 minutes. Donc, je vais parler très, très rapidement des conditions de travail délétères, c'est-à-dire là des situations, alors soit l'infraction au CDD, c'est la plus courante, hein, avec des entreprises qui l'ont institutionnalisée. J'ai réussi à voir des gens qui ne se connaissaient pas forcément, qui avaient travaillé à certains moments dans les mêmes entreprises. Hein. Donc on déchire la première page, on refait, on antédate, et puis hop, au lieu de faire un troisième CDD, on a comme ça l'impression d'en avoir deux. Et puis évidemment, on en parlait ce matin, le harcèlement quand on veut se débarrasser d'un salarié, ou quelque chose qui est vécu comme ça maintenant par des salariés, 7 salariés belges, dans cette entreprise où on a un patron absolument paternaliste. Et là aussi, je pourrais lire des extraits d'entretiens assez effrayants, enfin que j'ai relus là, qui sont assez effrayants parce que ça pèse en fait sur tout l'entretien, hein, et sur la dévalorisation qu'elle a d'elle-même, etc. Bon, alors là, c'est départ avec éventuellement licenciement négocié, mais c'est souvent arrêt de travail. Et il faut voir que quand une entreprise est rachetée, en fait, ce sont les mêmes salariés qui sont sur le même lieu de travail. Et donc, les clients, en plus, ne reconnaissent pas, ne comprennent pas pourquoi le travail est si mauvais. Et donc, c'est le salarié, évidemment, qui prend les réflexions et qui ne peut pas dire que c'est plus lui qui décide de son propre travail. Voilà. Et dernier point, je finis en une minute. Le problème des salaires fait que le mode de vie qui était envisagé en travaillant dans le secteur culturel avec des pratiques culturelles qui vont avec, ben ne cale pas avec le salaire qui ne donne pas l'accès au logement, qui au niveau des pratiques culturelles les réduit beaucoup. Et la librairie, c'est une position sociale d'employé de commerce, c'est pour ça qu'ils sont si peu payés, hein, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle, et en même temps une appartenance sociale à la classe moyenne cultivée, qui vide son capital cultivé. Et c'est quelque chose qui, à un moment, fait clash. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les plus diplômés, les plus jeunes, ont les moyens, les ressources et les moyens d'aller voir ailleurs, de chercher, de penser à des reconversions, qu'ils la fassent ou non. En tout cas, c'est la manière dont ils essayent de... Et ça, c'est vraiment un changement de génération, parce que bien évidemment que les moins diplômés n'avaient pas du tout cette ressource-là. Et d'autant plus qu'à leur époque, de toute façon, toutes les entreprises avaient un management paternaliste, et enfin, en tout cas dans le commerce, donc ne pouvaient pas s'en sortir. Aujourd'hui, le travail n'est plus aussi central, et donc il est une image de notre réussite. Et ne pas avoir le travail qui récompense finalement le travail qu'on fait au quotidien devient une certaine souffrance. Et n'est plus accepté. Et à ce moment-là, il y a une recherche d'y échapper. Voilà, alors je finis un petit peu en... J'ai parlé très vite. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est comment la souffrance au travail est un signe aussi de changement de l'appréciation de son emploi, du travail lui-même. Et comment, voilà, juste fini, la formation aussi qui veut qu'on fasse plusieurs stages dans plusieurs entreprises et qu'on soit petit à petit habitué à, même dans le formatage, hein, du futur professionnel, non seulement c'est plus un échec de changer d'entreprise ou de changer de métier, mais ce qui serait même un échec ou le symbole de quelqu'un qui n'est pas très, très... qui n'est pas très bon, qui n'est pas un très bon professionnel, c'est d'y rester et d'y faire toute sa carrière. Et ça, c'est vrai que c'est assez bien intégré par un certain nombre de salariés. Donc la souffrance a changé de camp d'une certaine manière.